C'est sous la présidence d'honneur de Steve Tremblay que s'est ouvert la 44e édition du tournoi Bantam hier dans le secteur de Mistassini. Il y avait deux matchs au programme hier. D'abord, dans le premier match, on a noté que gain pour des rebelles de Chicoutimi 4-3, c'est les Bulldogs Saint-Félicien. Dans le joueur du match pour les rebelles est Annabelle Lapointe et pour les Bulldogs Saint-Félicien, c'est Anthony Gagnon. Et dans le deuxième match, c'est un match de la catégorie Bantam B. Victoire facile des Loups du Lac-Saint-Jean-Nord 6-3 sur les Janois d'Alma. Le joueur du match est Jean-Michel Dumas pour les Loups et Alex Larouche pour les Janois. Donc, je vous invite à écouter la section entrevue de danrazosport.com. On a eu le premier reportage de Pierre-Luc Ménard. On devrait en avoir un à tous les jours pendant toute la semaine. Ligue Saint-Pélote, au cours des derniers jours, il y avait également des matchs. Les Sabres de Roberval ont gagné 3-1 contre les Loups de Mistassini. Et dans l'autre match, gain des Sabres de Roberval 3-2 sur le Royal de Métabetchouan. Puis Ouya, gain de Roberval 3-1 sur les Loups de Mistassini. Et les Loups qui ont également gagné 3-1 sur les Janois d'Alma. Et dans la même catégorie, les Sabres de Roberval ont vaincu le Royal de Métabetchouan 3-2. Et les Janois d'Alma ont battu les Bulldogs Saint-Félicien. Au niveau Pee-Wee Bay, défaite des Sénateurs de Saint-Félicien par la marque de 5-3 sur le Royal de Métabetchouan. Et au niveau Bantam, défaite de Mastuyage 4-0 sur les Aiglons d'Alma. C'est un match de la catégorie Bantam A. Et dans le Bantam B, les Loups de Dolbeau-Sassigny ont défait facilement les Monarques de Saint-Amboise 11-5. Et les Genois d'Alma, les Bulldogs de Saint-Félicien, se sont livrés un verdict nul de 2-2. La Ligue Senior du Lac au Fleuve a un nouveau directeur général depuis mardi soir. C'est Mathieu Caron, qui succède à Bob Desjardins. Donc, on a aboli le poste de commissaire et Mathieu Caron va s'occuper de la Ligue, des opérations administratives de la Ligue. On l'a eu en entrevue sur les ondes de danazosport.com hier et il a mentionné quel sera son rôle. Le rôle du directeur général, ça va être vraiment de faire en sorte que la Ligue fonctionne. C'est toute la partie administrative et opérationnelle là, que je m'occupais déjà depuis le début de la saison en tant que VP des opérations. Et maintenant, on a vraiment repatrié ça à un titre de directeur général qui va vraiment s'occuper de ces tâches-là, que ce soit au niveau du registrariat, des changements de partie, et toutes autres choses qui s'y joignent à ça. Donc, ça va être ça mon rôle maintenant au niveau de la Ligue. OK. Et dans un deuxième temps, il nous parle que la Ligue n'est pas nécessairement à la recherche d'un commanditaire majeur, mais plus un commanditaire pour le trophée de fin de saison remis à l'équipe gagnant. Pour l'instant, là, le fonctionnement administratif, là, au niveau des finances, ça fonctionne avec l'utilisation des ligues, pas des équipes. On vous dit qu'on n'a pas vraiment beaucoup de dépenses au niveau de la Ligue en tant que telle. Le seul commanditaire qu'on est à la recherche présentement, ça va être pour notre coupe à la fin de l'année. Okay. On cherche un commanditaire majeur qui va pouvoir justement avoir son nom sur le trophée de fin de saison. Mais côté marketing, les affaires-là, la Ligue n'a pas besoin de ça. C'est plutôt les équipes qui ont besoin d'avoir des commanditaires autour d'eux autres pour pouvoir faire en sorte que les autres soient capables de pouvoir vivre. Parce qu'eux, ils ont beaucoup plus de dépenses que la Ligue elle-même peut en avoir. OK. Et dans un dernier temps, on sait que Mathieu Caron s'occupait des arbitres en début de saison et la qualité des arbitres est vraiment surprenante, au dire de celui qui s'est donné équipe depuis le début de la saison. Ils sont également très satisfaits de la qualité de l'arbitrage. Les gars sont vraiment bien respectés. J'ai vraiment des gars compétents qui sont capables de pouvoir faire ce calibre-là. Je vous dis, ça fait un mois et demi là, qu'on est en activité, puis j'ai pas de plainte encore à ce niveau-là. Ça va super bien. Au début, on était en système à 3 officiels. On a upgradé à un système à 4 officiels parce qu'on s'est aperçu que le niveau de hockey était un peu plus élevé qu'est-ce qu'on s'attendait. Mmh. Mais c'est vraiment pour la sécurité des joueurs qu'on voulait faire en sorte qu'avec un quatrième officiel, on est capable de voir plus le jeu, voir s'il n'y avait pas des cheap shots à faire là. Mais ça nous permet d'éviter ce genre de situation. Hier, on a parlé de football avec Nick Manachi. On a fait le bilan de la saison des Cougars de Chicoutimi au niveau collégial. Et Nick Manachi est quand même plus ou moins satisfait de la saison, quand même content de la progression des joueurs, mais déçu d'avoir été éliminé aussitôt. Satisfait, c'est difficile. À dire quand on a été éliminé au premier quart des séries. On aurait aimé aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'on est satisfait? La réponse est non. Par contre, on n'est pas déçu du travail qui a été fait. On avait une équipe jeune. Défensivement, on était extrêmement jeune. On a quand même un bon noyau de retour l'année prochaine, dont certains de nos meilleurs joueurs.